Deuxième livre des Chroniques, chapitre 24. Joas était âgé de 7 ans quand il commença à régner, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom de Sibia, et elle était de Béesseba. Or Joas fit ce qui est droit devant l'Éternel, durant tout le temps de Jéhojada le sacrificateur. Et Jéhojada lui donna 2 femmes, desquelles il eut des fils et des filles. Après cela Joas prit à cœur de renouveler la maison de l'Éternel. Et il assembla les sacrificateurs et les lévites, et leur dit, « Allez par les villes de Juda, et amassez de l'argent de tout Israël, pour réparer la maison de votre Dieu, d'année en année, et hâtez cette affaire, mais les lévites ne l'hâtèrent point. » Et le roi appela Jéhojada, le principal sacrificateur, et lui dit, « Pourquoi n'as-tu pas fait en sorte que les lévites apportassent de Juda, et de Jérusalem, et de tout Israël ?» le tribut ordonné par Moïse serviteur de l'Éternel, pour le tabernacle du témoignage? Car la méchante Athalie et ses enfants, avaient dépouillé la maison de Dieu, et ils avaient même approprié au Baalin, toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. C'est pourquoi le roi commanda confier un coffre, et qu'on le mit à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Puis on publia dans Juda et dans Jérusalem, qu'on apporta à l'Éternel, l'impôt que Moïse serviteur de Dieu, avait mis dans le désert sur Israël. Et tous les principaux et tout le peuple s'en réjouirent, et ils apportèrent l'argent, et le jetèrent dans le coffre, jusqu'à ce qu'on eût achevé de réparer le temple. Or quand les Lévites emportaient le coffre suivant l'ordre du roi, ce qu'on faisait dès qu'on voyait qu'il y avait beaucoup d'argent, le secrétaire du roi, et le commis du principal sacrificateur venaient, et vidaient le coffre, puis il le reportait, et le remettait en sa place. Il faisait ainsi tous les jours, et on amassa quantité d'argent. Et le roi et Jéhojada le distribuaient à ceux qui avaient la charge de l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel, lesquels louaient des tailleurs de pierre et des charpentiers pour refaire la maison de l'Éternel, et des ouvriers travaillant en fer et en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux donc qui avaient la charge de l'ouvrage travaillèrent, et il fut entièrement achevé par leurs moyens, de sorte qu'ils rétablirent la maison de Dieu en son état, et la fermirent. Et dès qu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi, et devant Jéhojada le reste de l'argent, dont il fit faire des ustensiles pour la maison de l'Éternel, savoir des ustensiles pour le service et pour les oblations, et des tasses et d'autres ustensiles d'or et d'argent, et ils offrirent continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel, durant tout le temps de Jéhojada. Or Jéhojada étant devenu vieux et rassasié de jours, mourut. Il était âgé de 130 ans quand il mourut. Et on l'ensevelit en la cité de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël, envers Dieu, et envers sa maison. Mais après que Jéhojada fut mort, les principaux de Juda vinrent, et se prosternèrent devant le roi, et alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel le Dieu de leur père, et s'attachèrent au service des bocages, et des faux dieux. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'alluma contre Juda et contre Jérusalem, parce qu'ils s'étaient rendus coupables en cela. Et quoiqu'il leur envoya des prophètes pour les faire retourner à l'Éternel, et que ces prophètes les ensemassent, toutefois ils ne voulurent point écouter. Et même l'Esprit de Dieu revêtit Zachari fils de Jéhojada le sacrificateur, de sorte qu'il se tint debout au-dessus du peuple, et leur dit, « Dieu a dit ainsi, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel ? Car vous ne prospérerez point, et parce que vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera aussi. » Et ils se liguèrent contre lui, et l'assommèrent de pierre, par le commandement du roi, au parvis de la maison de l'Éternel, de sorte que le roi Joas ne se souvint point de la gratuité dont Jéhojada, père de Zachari, avait usé envers lui, mais il tua son fils, qui en mourant dit, « Que l'Éternel le voit, et le redemande. » Et il arriva qu'au bout d'un an, l'armée de Syrie monta contre lui, et vint en Juda et à Jérusalem, et les Syriens détruisirent d'entre le peuple tous les principaux du peuple, et envoyèrent au roi à Damas tout leur butin. Et quoique l'armée venue de Syrie fût peu nombreuse, l'Éternel livra pourtant entre leurs mains une très grosse armée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel Dieu de leur père. Ainsi les Syriens mirent Joas pour un exemple de jugement. Et quand ils se furent retirés d'avec lui, parce qu'il l'avait laissé dans de grandes langueurs, ses serviteurs conjurèrent contre lui, à cause du meurtre des fils de Jéhojada le sacrificateur, et le tuèrent sur son lit, et ainsi il mourut, et on l'ensevelit en la cité de David, mais on ne l'ensevelit point au sépulcre des rois. Et ce sont ici ceux qui conjurèrent contre lui, Zaba, fils de Sima femme ammonite, et Jéhozaba fils de Sinrit femme moabite. Or quant à ses enfants, et à la grande levée de deniers, qui avait été faite pour lui, et au rétablissement de la maison de Dieu, voilà, ces choses sont écrites dans les mémoires du livre des rois, et Amatsia son fils régna en sa place.